Nous inclinons nos têtes pour la prière. Tuinamishe vichwa vya kuomba. Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi, nous te disons merci de tout cœur. Tuko na kupikia asante na moyo yote. C'est toi qui as permis qu'il y ait ce rassemblement. Nuruhusu imkusaniko ipate kuwako. Ce n'est pas en vain, Seigneur. Aina kwa bule, Bwana. Parce que ta volonté mapenzi yako est que tu veux que tout homme soit sauvé. Unapenda kila mutu apate kukolewa. Et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Na apate kufika mukufamu ukweli. Et l'unique façon que tu le fais, Seigneur, na namna tumoya ukunaifanya, c'est par la voie de la prédication. Kupitia njia ya mahubiri. Alors viens nous en aide cet après-midi. Kwa tusaidie mangaribi. Qu'il ne faut que ça ne soit pas un homme qui doit parler, mais que toi-même viennes pour parler à ton peuple. Ses frères et ses sœurs, Seigneur, c'est ta propriété. C'est toi qui as accepté de devenir un homme. C'est toi qui as accepté de porter la malédiction et le péché. Chacun. Et c'est toi qui as accepté de souffrir à leur place. Tu as versé le sang, Seigneur. C'est pour que toutes nos âmes soient sauvées. Viens maintenant, Seigneur. Accomplis les saluts en chacun de nous. Ouvre-nous les yeux et les oreilles spirituelles. Donne-nous l'occasion, Seigneur, de saisir quand l'Esprit parle. Et je m'abandonne moi-même entre tes mains. Débarrasse-moi des paroles d'hommes. Que le Saint-Esprit place tes propres paroles sur ma langue. Guéris les malades, accomplis toutes sortes de merveilles au milieu de nous.